An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Des archives pour le mouvement homosexuel. Mais le personnage homosexuel n'est pas invisibilisé dans la littérature ou dans le musical. Oh, le duo des dindons, des formidables Charpignier Brancato. Ah, le monsieur et le jeune homme de la sublime Juliette Gréco. Ou encore Chercher la femme de la divine Coccinelle. Des chansons enregistrées que l'on retrouve dans les archives, à côté des livres, des revues. Mais cela constitue-t-il des archives? Oui, sans doute. Pourtant, la question des archives du mouvement LGBTQI plus pose question aujourd'hui. Qui pour les collecter? Qui pour les trier? Pour les interpréter? Pour aussi en assurer la transmission. Antoine Hidier, bonjour. Bonjour. Cette question des archives est essentielle, nous le savons bien. L'archive, c'est ce qui nous intéresse toute la semaine dans le cours de l'histoire, bien sûr, mais c'est aussi ce qui permet d'écrire l'histoire, de faire l'histoire. C'est une question de visibilité et d'invisibilité. Quelles sont les archives dont dispose un historien curieux de cette question? Où va-t-il? Où peut-il trouver des choses sur les mouvements, des luttes LGBT+? Alors c'est une vaste question et c'est précisément ce qui fait l'objet de tous les débats contemporains et en même temps des débats parfois anciens sur les archives LGBT. C'est qu'il y a eu un mouvement porté par des militants, par des auteurs, par des activistes de vouloir constituer des archives homosexuelles, lesbiennes, trans, féministe pour lutter contre toutes les invisibilisations et les exclusions des discours historiques. Donc de fait, un certain nombre d'archives qui existent déjà donnent à voir des traces de l'histoire de l'homosexualité, des vies homosexuelles, des vies minoritaires, de la répression et parfois des contre-cultures qui se sont inventées pour résister à ces oppressions. Mais en même temps, ces archives restent souvent très muettes ou très silencieuses, d'où le geste de constituer à côté des centres d'archives, de collecter, de retrouver, de rassembler et de chercher à transmettre, bien évidemment. Antoine Hidier, vous êtes sociologue, historien, vous êtes responsable à la recherche de l'ESSAM Caen-Cherbourg, c'est l'école supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg et vous êtes l'auteur d'archives des mouvements LGBT+, une histoire des luttes de 1890 à nos jours, publiée chez Textuel. Oui, cette question des archives nous intéresse particulièrement. Michel Laroui, vous êtes avec nous aussi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes archiviste et activiste, enseignante en arts plastiques, et puis vous portez ce mouvement Archives, Recherche, Culture Lesbienne, mais depuis les années 1990. Est-ce que vous pourriez dater un moment où la question de l'archive pour la communauté LGBT+, et encore nous discuterons après de ce vocabulaire de communauté LGBT+, est-ce qu'il y a un moment où on se rend compte qu'il est nécessaire de créer des archives particulières? Oui, bien sûr. Dès les années 75 à 76. Alors, je vais bien faire une intro autour de tout ça. Vous dites depuis le début de la semaine, archiver pour mieux régner. Et nous, en tant qu'archives lesbiennes, féministes et homo, on a archivé pour ne pas disparaître. C'est-à-dire que même si les archives ont été créées en tant qu'association loi 1983, ça faisait déjà pas mal d'années, on va dire facilement au moins 5 à 6 ans, que ces archives se composaient, se réunissaient. Parce que des archives, quand elles sont et associatives et politiques, puisqu'on se nommait comme telles, hein, et lesbiennes et politiques, dans cette invisibilité, même au sein du mouvement, on va dire féministe à l'époque, homo et féministe, et je pense qu'on va y revenir avec Antoine et avec Sam, c'est vraiment une invisibilité même au sein du mouvement, ce qu'on peut même constater encore aujourd'hui. C'est-à-dire le lesbianisme en tant que tel, qui est transversal, qui a été présent partout, dans toutes les luttes. On peut nommer la lutte contre le sida avec une commission femme dont on n'a jamais parlé ou très peu, etc., etc. Donc aujourd'hui, on continue à se battre pour ne pas disparaître. Voilà. Oui, c'est très fort ce que vous dites là, Michel Laroui. Et effectivement, avec nous aujourd'hui, Sam Boursier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes loin, mais vous allez revenir, activiste oui, queer. Oui, voilà, pardon. Ça y est, on vous retrouve très bien. Bonjour à vous, maître de conférence à Lille 3, fondateur du collectif Le Zoo, et vous participez vivement à ce collectif Archives LGBTQI. Et nous entendons depuis que nous commençons à parler ce mot qui revient sans cesse, hein, ne pas disparaître, lutter contre l'invisibilité. Oui. C'est vraiment au cœur de la question. Oui, bon, c'est une partie de la question. Et évidemment, comme c'est un peu une histoire de la violence dont on est en train de parler, ça revient toujours. C'est-à-dire que les archives institutionnelles, elles n'ont pas fait qu'invisibiliser les minorités en général, d'ailleurs pas uniquement les minorités sexuelles et de genre. Et donc, il y a évidemment tout ce travail de la communauté, des personnes concernées, pour ne pas disparaître, ne pas être invisibilisées. Il y a aussi un effet de censure productive, en fait, pas simplement négative, dans les archives institutionnelles. Parce que si vous prenez une définition, si vous voulez, très extensive de l'archive, ça fait un bout de temps qu'on est archivé. On est archivé dès sa naissance avec l'état civil. Et puis, par exemple, vous avez toute l'archive du sexe, la scienta sexualis, qui a très bien décrit Foucault, et qui nous concerne au premier chef, puisqu'elle nous produit en tant que sujet sexuel. Donc, forcément, dans les mouvements féministes, les mouvements minoritaires, il y a toujours cette idée de ne pas disparaître parce que l'histoire officielle vous a fait violence. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a le fait de pouvoir rassembler les archives pour des usages sur lesquels j'espère on va pouvoir revenir, qui sont pas simplement l'écriture de l'histoire, on a commencé par ça, mais il y a aussi évidemment toute la question de l'histoire orale ou simplement des récits. Parce que l'idée de l'archive sert à faire l'histoire, c'est vraiment une notion du 19e. L'idée, là, vous parlez de mouvement. J'écoutais attentivement tout ce qu'il disait au début sur les mouvements de lutte LGBT. Donc ça, ce serait plutôt la discipline de la sociologie qui s'empare des archives. Mais quelque part, les archives, elles débordent largement les partages disciplinaires des sciences humaines et sociales. Voilà, et puis malgré tout, l'archive reste la base pour faire l'histoire. Le document quand même, la source reste le fondement même de l'écriture de l'histoire, mais avec vraiment cette réflexion. Oui, mais voyez, excusez-moi de vous interrompre, c'est drôle parce que vous parlez de l'écriture de l'histoire. Alors on est dans une culture où il y a une dictature de l'histoire écrite, par exemple. Je vais vous donner un exemple très concret. Je regardais sur votre site la présentation, la biographie que vous avez fait de moi, et donc on me dit que je suis cofondateur, par exemple, de l'association Trans sans contrefaçon. Et je sais d'où ça vient, parce que ça vient du livre de Pavard, Rochefort et Zancarini Fournel, Ne nous libérez pas, on s'en charge, que j'ai lu attentivement pour préparer mes cours en études féministes. Or, je n'ai jamais fondé cette association. Donc Par contre, cette association a été fondée par d'autres personnes, dont Karine Espinera. Donc c'est très intéressant de voir que des gens qui écrivent l'histoire contemporaine, par exemple, produisent un ouvrage d'histoire écrite qui va faire référence et qui est bourré d'erreurs. C'est-à-dire, si vous voulez, le factuel de l'histoire est le régime de vérité de l'histoire dans lequel s'enferment souvent les historiens eux-mêmes. Eh bien là, par exemple, si les autrices m'avaient appelé ou avaient fait de l'histoire orale ou avaient appelé le collectif, on n'en serait pas là. Donc vous voyez, je crois qu'il faut, vraiment se défaire un petit peu de cette approche monodisciplinaire qui consiste à dire, voilà, les archives et l'histoire, ou les archives appartiennent, sont la propriété de la discipline qu'est l'histoire. Non, heureusement, il y a beaucoup d'autres usages des archives. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a des centres d'archives, si vous voulez, communautaires, qui, eux, vont développer beaucoup d'autres choses. Parce que là, on développe une vision vision de l'usage de l'histoire assez élitiste, excusez-moi. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut vraiment avoir une approche épistémopolitique de l'archive. Voilà, en tout cas, l'archive, qu'elle soit écrite, qu'elle soit orale et document, qui sert à produire une histoire, après, l'histoire est l'histoire, hein, qu'elle soit écrite ou orale ou de manière différente, il y a un propos. Ensuite, l'erreur historique, qu'elle soit dite à l'oral ou à l'écrit, reste une erreur de méthodologie. En tout cas, il est certain que dans les dépôts d'archives traditionnelles, dans les bibliothèques, l'on trouve des sources qui évoquent l'homosexualité. Bien sûr, il y a eu énormément de productions plus ou moins allusive. On veut voir un peu partout le fameux billard à trous. Pour ce jeu merveilleux, chacun fait la queue. Mais quand on attend son tour, désormais l'on peut toujours s'amuser gentiment pour passer son temps. Aujourd'hui partout on voit la tata, la tapette, c'est un jeu des plus adroits, la tapette en bois. C'est un jeu qui fait fureur sur la plage et même ailleurs. On joue par-ci et par-là ce petit jeu-là. Des vieux messieurs distingués, des petits jeunes gens pommadés, deux à deux, sans témoins, ils jouent dans les coins. Aujourd'hui partout on voit la tata, la tapette, c'est un jeu des plus adroits, la tapette en bois. En 1933, Jackie chante la tapette en bois. Antoine Idier, dans votre ouvrage Archives des mouvements LGBT+, il y a un premier chapitre avec des bornes chronologiques, 1890-1945. Vous parlez d'une expression publique naissante mais visible. Très intéressant, toujours ce discours autour de la visibilité, de l'invisibilité. Comment se met en place cette expression publique naissante mais visible? On sent qu'elle a des bornes. Les bornes sont relatives. Il fallait bien borner, donc les bornes sont plus les bornes des documents présentés dans le livre. Cette première partie voulait revenir sur une histoire des minorités sexuelles qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que la fin du 19e siècle, qui est aussi le début de l'identité homosexuelle inventée par la psychiatrie, par les sciences psychologiques et psychanalytiques. Donc cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle témoigne d'une très grande visibilité des sous-cultures homosexuelles, visibilité à la fois, j'allais dire, positive et négative, c'est-à-dire c'est autant les moqueries, les tapettes et les tatas qu'on vient d'entendre, que en même temps une expression publique, des bals publics, des journaux, de la littérature, etc. Cette visibilité-là a disparu, ce que des historiens ont montré depuis pas mal de temps déjà, a disparu après 45, dans les années 40, 50, 60. Et ce qui est d'ailleurs fascinant, c'est que quand on cherche, on retrouve assez facilement des traces de cette visibilité, mais qui n'ont pas nécessairement été constituées comme telles. Par exemple, le livre s'ouvre avec une contribution de Patrick Cardon, qui est un militant homosexuel depuis les années 1970, qui a mené tout un travail de réédition, de constitution d'une collection, les éditions Gay Kitsch Camp, pour aller à la recherche de ces textes, qui sinon seront des textes perdus. Alors c'est sûr, on peut dire ils sont évidemment à la Bibliothèque nationale, dans des côtés à la Bibliothèque nationale, mais tant qu'ils ne sont pas utilisés, tant qu'ils ne circulent pas, tant qu'ils ne sont pas réédités, ces textes sont indisponibles. Donc c'est en fait l'histoire des mouvements LGBT, comme l'histoire de beaucoup de minorités sexuelles, et une histoire aussi des relectures incessantes du passé, d'aller chercher les modes de vie antérieurs. C'est Didier Ribon qui parle des vies des minoritaires comme des vies hantées, et dans ces vies hantées, il y a ce geste d'aller voir comment les autres vivaient avant nous. Et c'est là en fait où l'opposition histoire-mémoire ou université hors université est caduque pour le sujet qui nous intéresse, dans le sens où quand des militants font ça, c'est pas pour écrire l'histoire au sens académique, mais c'est en même temps pour interpeller l'histoire, la discipline historique, en tout cas les récits historiques dominants sur tout ce qu'ils laissent de côté, ou toute leur partialité, toute leur reproduction des dominations qu'ils opèrent ou auxquelles ils participent. Eh bien justement, Michel Larouille, vous avez été volontairement confronté, vous vous êtes plongé sur cette question de l'archive. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre démarche pour ce projet, mais qui est une réalité, Archives, Recherche, Culture Lesbienne? Alors, je reprends sur justement qui archive et qu'est-ce qu'on trouve dans ces archives officielles. La posture de nous trois est peut-être assez différente, on va dire peut-être complémentaire ou parallèle à des moments donnés, ou même peut-être contradictoire selon où l'on cherche et qu'est-ce qu'on va chercher. Aux archives recherche culture lesbienne, on a accumulé et on continue d'accumuler des documents qui sont des documents vivants. C'est-à-dire, ça peut être du son, ça peut être des objets, ça peut être des vêtements, ça peut être toutes sortes de choses, et bien sûr la littérature grise, etc., les coupeurs de presse, etc. C'est vraiment, ça compte, et ça continue à être des traces. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on va refaire des recherches, parce qu'il y a un renouveau qui est là, quand on va faire des recherches sur les mouvements lesbiens, on va dire, si on commence par le départ est autour des recherches autour du lesbianisme, on va croiser ou pas, selon les recherches et selon les archives qu'on va trouver, on va croiser ou pas une invisibilité, un silence, ce que soulevait Sam tout à l'heure, c'est-à-dire que des bouquins continuent à sortir qui seraient une des nouvelles histoires et qui pourtant encore ont un manque absolument énorme. Donc pourquoi des archives et pourquoi des archives lesbiennes depuis les années 80? C'est pour accueillir aussi bien des lectrices que des chercheuses. Aujourd'hui, on continue à accueillir par année, même malgré la pandémie depuis 2 ans, des trentaines ou cinquantaines de jeunes personnes qui vont être des chercheuses, des étudiantes. Voilà. Donc les archives vivantes sont souvent des archives qui sont encore une fois non triées de la manière officielle et on va dire classiste peut-être, parce que qui archive et comment on archive et pourquoi on archive, le problème il est toujours là. On pourra peut-être en parler avec Sam et échanger avec vous. C'est que les dernières fois où on a soulevé ce problème d'un centre d'archives dans une capitale qui s'appelle Paris, le problème a été de trier ces archives. Nous, on a aussi bien des banderoles que des badges que et bien sûr de la littérature grise et des documents déposés, des dons personnels d'archives après une mort, etc. Et les archives nationales qui pouvaient être intéressées il y a encore quelques années ont dit on fera le tri. Alors ils ne l'ont pas dit comme ça. Mais je veux dire, le problème aujourd'hui, c'est que ça continue à être une invisibilisation, mais aussi une négation de ces croisements, de ces transversalités et de ces contradictions. D'où la démarche. Je m'arrêterai là parce que sinon, une journée entière. Mais écoutez, non, mais c'est très bien parce que je vois, Michel Larouille, que votre ouvrage Mouvement de presse des années 1970 à nos jours, publié donc par les archives lesbiennes, est épuisé, mais vous ne l'êtes pas. Et ça, c'est bien. Justement, vous avez souligné le fait que des archives signifient des documents collectés de tout type de documents, c'est aussi un lieu de rencontre. Et parmi les documents qu'il y a à collecter, il y a ces documents intimes, une carte postale. Ma chère femme aimée, je viens te dire encore quelques mots ensuite de ta lettre du 7 mars et au sujet de tes poilus. Je t'ai dit hier que tu feras ce que tu voudras aujourd'hui sans te donner conseil. Tu sais ce que tu as à faire, mais j'espère que tu les auras balancés et que sur ta prochaine lettre, tu m'aviseras de ta décision que je connais puisque la perspective de venir m'apporter un doux baiser te sourit. Un doux baiser comme celui de cette carte et dans une tenue aussi simple. Je croyais que tu m'aurais envoyé une petite lettre. Ma santé fut bonne, mais je pense souvent aux quelques heures d'amour que nous avons passées ensemble et que tu aurais pu prolonger si tu l'avais voulu. Mais tu es toujours pressée et bientôt j'espère t'en prouver ma reconnaissance et profiter de ce que je n'ai pas eu. Je t'aime et t'embrasse bien comme cette carte. Rome. Marion Dupont qui lisait une carte postale postée à Arras le 11 mars 1918. Sur cette carte postale, nous voyons deux femmes qui s'embrassent et puis le texte est écrit derrière, il n'y a pas de timbre, ce qui veut dire que la carte postale a été envoyée sous enveloppe et nous le comprenons parce que c'est vrai qu'elle ne serait pas passée, je pense, par la poste avec deux femmes qui s'embrassent. Elle est dans votre ouvrage, Archives des mouvements LGBT+, Antoine Idier, justement, ces archives qu'il faut collecter. Ça nécessite aussi toute une mobilisation, presque une prise de conscience, ne serait-ce que de dire il y a des archives intimes, privées, n'hésitez pas à les donner. Après, nous allons voir où les donner. Mais la question que posait Michel est une question des plus fondamentales, c'est-à-dire qui archive et qui archive quoi ? Archiver, c'est décider qu'un document mérite d'être conservé, les archivistes conservent, c'est-à-dire mérite d'échapper à un ensemble de processus de destruction liés au temps qui passe. Et donc archiver, c'est trier entre ce qui est digne d'être conservé et par définition ce qui n'est pas digne d'être conservé. Et donc il y a ce qu'on archive et tout ce qu'on laisse de côté. Et c'est précisément cette question que pose les mouvements minoritaires, notamment les mouvements LGBT et féministes qui se saisissent de la question de l'archive, c'est en fait d'interroger l'habitus archivistique, d'interroger l'inconscient des archivistes en disant, mais en fait, qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous ne gardez pas? Et qu'est-ce que nous, on veut garder que vous ne considérez pas comme légitime? Cette carte postale, je l'ai trouvée au fonds Michel Chomara de la Bibliothèque municipale de Lyon, qui est un fonds extraordinairement riche, notamment sur l'histoire des cultures minoritaires. Il semble que des cartes postales de ce type-là, elles aient été finalement assez nombreuses au début du XXe siècle. C'est à la fois une carte, c'est-à-dire un objet de la culture matérielle, c'est aussi derrière ce texte, cette lettre, visiblement un message d'amour, on ne sait rien de plus des protagonistes, et c'est un ensemble d'histoires et de vie, en fait, au-delà de même de l'histoire, de vie qui sont sur ce document. Et ce document est conservé par un particulier, un militant, qui a choisi après de déposer son fonds à la Bibliothèque municipale de Lyon. Mais c'est pas un document qu'on trouve dans les archives, entre guillemets, institutionnelles ou officielles. Donc c'est parce que des individus nourris par des mouvements sont partis à la recherche de ces traces, les ont collectées et les font circuler que ces archives vivent. Donc c'est vraiment l'inconscient des archivistes et des institutions archivistiques qui est interrogé. Les archives privées ont longtemps eu très peu de droits cités dans les archives publiques, par exemple aux archives nationales qui se sont interrogées et qui sont en train aussi de changer. Mais toute la question des archives privées, quand bien même c'était pas des archives d'homosexuels ou de lesbiennes, les archives des mouvements sociaux non plus, et ça reste la question effectivement que quel type d'archives, qu'est-ce qu'on considère comme intéressant et qu'est-ce qu'on considère comme pas intéressant, et quelle est l'idéologie ou en tout cas l'inconscient politique, intellectuel qui opère ce tri, cette sélection. Oui, le tri, la sélection, c'est vraiment une question qui est fondamentale au moment d'archiver, parce qu'il y a énormément de documents, et quel regard porter sur ces documents, et puis où les placer une fois qu'ils sont sélectionnés. Sam Boursier, ce collectif archives LGBTQI, pourriez-vous nous le présenter? Donc le collectif archives LGBTQI s'est constitué en 2017. Mais cette histoire de centre d'archives qu'évoquait donc Michel sur Paris est une vieille histoire. Enfin, ça fait à peu près 20 ans que ça dure, et d'ailleurs moi je suis cette histoire. En fait, c'est un centre, comme il en existe beaucoup en Europe, hein, qui est communautaire. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les archives sont gérées par les personnes concernées, mais aussi, encore une fois, pour les usages qu'elles veulent en faire au présent. Parce que là, je vous écoutais, les cartes postales, le passé, etc. Ok, ça, c'est la vision habituelle, un peu poussiéreuse qu'on a de l'archive, parce que dans des centres communautaires et autonomes comme les centres qui existent par exemple à Berlin, qui existent à Amsterdam depuis longtemps, ou qui existent aussi aux États-Unis ou en Australie, etc. Là, vous avez tout autre chose qui se passe. Ce sont à la fois des centres, évidemment, où on va conserver, on va valoriser les archives, mais on va le faire autrement. Et vous évoquez la question du tri. Ben déjà, il y a la question de la compétence culturelle aussi, c'est-à-dire les personnes dans un centre d'archives communautaire, elles vont évidemment faire des choix différents. Elles vont aussi savoir indexer des choses que n'indexeraient pas probablement dans les bons termes, par exemple des archivistes dans des institutions. Donc, vous voyez, si vous voulez, il y a toute cette idée qu'il y a un grand désir d'archives, il est collectif, il est porté par la communauté qui a les compétences, en fait, pour faire de ces archives, d'ailleurs, autre chose que de les mettre simplement à disposition des historiens ou des sociologues. Les usages de l'archive, si vous voulez, qu'on voit dans ces centres, d'abord, qui se caractérisent, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas nous donner cet espace, d'ailleurs, on ne nous l'a toujours pas donné au niveau de... Il faut quand même rappeler que Paris est une rare capitale qui se vante d'être LGBT friendly, mais qui n'a toujours pas réussi à donner les moyens à ce qu'un tel centre existe, donc un vrai centre d'archives qui permette de développer, encore une fois, ce que vous évoquiez aussi, qui est très important, la transmission. Mais la transmission, on la fait comment? C'est-à-dire, bon, un beau livre avec des archives, c'est une chose, mais par exemple, faire des podcasts, produire de l'archive, Si vous voulez, l'archive orale dont je parlais tout à l'heure, ça n'est pas simplement l'histoire orale. C'est le fait que dans les centres d'archives communautaires LGBTQI, on produit de l'archive, justement pour contrer la forme incomplète qu'on connaît tous et toutes quand on se met le nez dans les archives. Donc, par exemple, on va faire des podcasts, on va considérer que les personnes sont également des foyers d'archives. Demain, une personne qui fréquente le centre peut décider d'aller interviewer telle et telle personne, et elle aussi. Elle va faire cette découpe de l'archive qu'on pensait réservée aux historiens. Bon, l'habitus, je sais pas, c'est une histoire d'inconscient, là, ce qu'évoquait, Antoine. Mais voilà, vous voyez, en plus, il y a eu une grande réflexion depuis les années 90 dans les archive studies, avec le tournant archival, sur quelle est l'identité même de l'archiviste. Et ben, on se rend compte maintenant que l'archiviste n'est pas simplement le gardien de l'histoire, ou qu'il est l'auxiliaire de l'historien, mais qu'il va plus sur, vous voyez, des fonctions sociétales, culturelles. C'est quoi la culture de l'archive? Nous, avec ce centre, s'il y a autant de personnes qui travaillent finalement gratuitement, alors qu'on n'a pas de lieu, ça veut dire qu'il y a un désir de l'archive et qu'on fait déjà de l'archive, qu'on a des pratiques de l'archive, je dirais plutôt performatives. J'espère que vous allez passer l'extrait de le teaser que je vous ai envoyé pour donc le podcast de la fièvre, qui est notre petit feuilleton qu'on a ouvert depuis maintenant 2 ans. En moins d'un an, on a eu 40 000 écoutes. Ça veut dire que l'archive qu'on a produite est immédiatement mise en circulation. C'est ça, si vous voulez, l'importance de la transmission. C'est des archives partout et pour tout le monde. Et c'est exactement la philosophie des archives lesbiennes de New York des années 70. Oui, et des archives partout, pour tout le monde et pour tous les publics et pour des usages auxquels on n'a même pas encore pensé. Voilà, c'est ça. Produire également de l'archive. Eh bien, Sam Boursier, vous l'attendiez, il est là. Dans le collectif, on milite depuis 2017 pour la création d'un centre d'archives LGBTQI, communautaire et autonome. Un lieu de vie et de transmission. On fabrique aussi des archives vivantes. Des archives orales où les personnes concernées racontent elles-mêmes leur histoire. Des archives à écouter partout et à partager, qui racontent nos cultures, nos combats, nos vies ordinaires et extraordinaires, militantes et flamboyantes. Un extrait de présentation du collectif Archives LGBTQI, donc, qui parle de cette démarche. Michel Laroui, il y a ici un écho aussi à votre démarche avec la recherche d'un lieu de réunion, de rencontre. Bon, vous l'avez depuis les années 1990, hein, avec Archives Recherche Culture Lesbienne, de la production d'archives et puis de la collecte d'archives. C'est en fait quelque chose à géométrie variable que vous avez constitué. Pardon, je m'excuse, j'ai pas entendu. Non, ça passe pas très bien. Oui, mais vous passez très bien. On vous entend très bien. Je disais que dans votre centre Archives Recherche Culture Lesbienne, il y a ça aussi. Il y a ce côté rencontre, collecte d'archives, bien sûr, et production d'archives. Bien sûr. Les dernières productions, on est en train de les penser et de les renouveler, puisque ça va d'une interview dans Well qui va sortir au mois de septembre. Donc, on travaille avec une des journalistes de Well, et nous, on va aussi l'interviewer pour le projet, le futur projet de réédition de Mouvement de Presse. Voilà. Je tiens à dire que quand ce collectif raconte on continue à faire vivre ce fonds, dans le livre Mouvement de Presse, on a par exemple une vingtaine d'interviews. On a tout ça et on est moins de la génération podcast, mais on s'y colle et on est secoué par la nouvelle génération. Mais cette archive, ce lieu d'archive, c'est vraiment un lieu où on accueille, même en période de pandémie, tous les mercredis, nous accueillons à partir de 13h30 à moins de 6 étudiantes, puisque c'est essentiellement journalistes et étudiantes, on accueille 6 personnes maximum. Voilà. On continue malgré tout. Moi, je dirais qu'on est un des premiers centres d'archives sur Paris et la région parisienne, mais il n'y a pas eu que à Paris et région parisienne. On peut parler de Toulouse, bien sûr, avec une archive. Elles ont décidé de déposer un de leurs documents, un de leurs fonds à la bibliothèque municipale, un peu comme à Lyon. À Lyon, ça continue avec vraiment énormément de projets et on s'y est retrouvé plusieurs fois. Rennes continue à rouvrir un centre d'archives. Après, Ce qui est important, et une journaliste, il n'y a pas très longtemps, a quand même sorti un bouquin qui s'appelle « Le génie lesbien », Alice Coffin, il est clair que nommer le lesbianisme quand on fait un travail, c'est important. C'est important parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Aujourd'hui, et depuis les années 60 ou même avant, les traces que nous avons, c'est des traces transversales. Les lesbiennes, on peut les retrouver même si elles ne se sont jamais nommées en tant que lesbiennes politiques ou féministes ou autres. On les retrouve dans les photos, on les retrouve quand elles ont fait une recherche de, et qu'elles ont rédigé un reportage, etc. C'est le gros problème aujourd'hui du lesbianisme croisé homo, croisé féministe, croisé trans. Le gros problème du lesbianisme aujourd'hui, c'est qu'on ne le nomme pas LGBTQI. On oublie très, très souvent le L. On ne le nomme pas. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et on continue à être invisible. Voilà. Donc, je pense qu'autour de ça, nous, on continue à recevoir. En ce moment, on soit énormément de jeunes étudiantes sont intéressées par les terres de femmes. C'est étonnant. Mais elles viennent en disant « on veut voir des terres de femmes ». Elles ne nomment pas les terres lesbiennes. Après, encore une fois, et on en revient à qui archive et ce qui est archivé, il est évident que un archiviste ou une archiviste, qu'elle soit communautaire, associative, militante ou archiviste formée, ce qui est une, pour, on va dire, une minorité d'entre nous, mais quand même, ça va être qui archive. Si ça nous touche, si nous sommes nous-mêmes lesbiennes, militantes, activistes, on va ramasser les documents dans les manifs, etc. Et donc, on va avoir une archive vivante et une archive militante et une trace à un moment donné. Qui va être une carte, qui va être une affiche, etc. Là, on tourne toujours autour de qui archive. Alors, les derniers temps, et peut-être Sam s'en rappellera, on s'est retrouvé avec une interrogation autour du racisme dans les archives. Nous avons très difficilement soulevé la manière dont qui archivait était plutôt une petite classe moyenne ou plus, et puis plutôt blanche et plutôt urbaine. Donc on a débattu de ça et on en a des traces dans certains documents et dans certaines archives, voilà, qui vont être aussi bien sonores que des revues comme Amazon, comme bon, on peut même trouver Well, puisque j'en parlais tout à l'heure. Donc autour de ça, je pense que un centre d'archives digne de ce nom, indépendant et respectant les différents fonds d'archives est quelque chose de primordial aujourd'hui. Sinon, on va se retrouver avec des dons perso à la fin de vie des personnes qui vont être soit détruites. Moi, pendant des années, on a collecté des archives de Vénéo aux Emmaüs. Les documents étaient jetés, les livres étaient jetés. On retrouvait des traces d'archives à l'époque où les bouquins, essais comme romans écrits par des lesbiennes étaient jetés, étaient niés par les familles. Donc on va retrouver ou plus retrouver, ou alors dans un centre de documentation municipale. Avec des archives plurielles, étant donné que nous avons là un mouvement, mais pluriel par définition même, hein, LGBT le plus, pour englober toutes ces identités en fait, mais qui construisent un mouvement complet, complexe, avec ses archives à collecter, des archives vivantes. Michel Larouille, vous disiez, hein, les tracts à collecter, bah, ces tracts, le temps qui passe, ils deviennent des archives. Ému et profondément bouleversé par la répression civile et policière qui s'exerce à l'endroit de toutes les minorités érotiques, homosexuelles, voyeurs, masos, partouzes, le Comité d'action pédérastique révolutionnaire dénonce la restriction des possibilités amoureuses qui sévit en Occident depuis l'avènement du judéo-christianisme. Les exemples de cette répression odieuse ne manquent pas. Vous les avez sous les yeux à chaque instant. Les inscriptions et les dessins dans les chiottes de la Sorbonne et autres, les passages à tabac d'homosexuels par la police ou par des civils rétrogrades, la mise en fiche policière, les carrières brisées, l'isolement et la mise au secret qui sont le lot de toutes les minorités érotiques. Pour un glorieux Jean Genet, 100 000 pédérastes honteux, condamnés au malheur. Le CAPR lance un appel pour que vous, pédérastes, lesbiennes, etc., prenez conscience de votre droit à exprimer en toute liberté vos options ou vos particularités amoureuses et à promouvoir par votre exemple une véritable libération sexuelle dont les prétendues majorités sexuelles ont tout autant besoin que nous. Un homme sur 20 est pédé. Sur 4 milliards de la population mondiale, ça fait 200 millions de PD. Non pas l'amour et la mort, mais l'amour et la liberté. Un tract du Comité d'action pédérastique révolutionnaire, un tract de mai 68, lu par Olivier Martineau dans le cours de l'histoire sur France Culture. Eh bien justement, Antoine Hidier, il y a cette chronologie que vous connaissez de l'archivage de ces mouvements, avec évidemment des principes de contextualisation, de réalité. En mai 68, le combat n'est pas encore celui de l'archive. Il y a d'autres combats. La nécessité de faire archive doit se comprendre selon les différents moments. Oui, oui, oui, non, je dirais, dans le sens où évidemment, alors le tract qu'on a entendu lu, dont on a entendu la lecture, est un tract qui a été collé au printemps 68 dans la Sorbonne par quelques militants, et le tract a aussitôt été arraché par les militants gauchistes qui occupaient la Sorbonne, dit-on, montrant à quel point la question de l'homosexualité, de la politisation de l'homosexualité et du lesbianisme au sein de la gauche était quelque chose d'impossible. Est-ce qu'il y a une dissociation? Je crois pas qu'il y ait une dissociation entre le temps des mouvements politiques et le temps de l'archive ou le temps de la question historique. Dans le sens où il me semble que les mouvements minoritaires portent toujours, d'une manière ou d'une autre, la question de l'histoire, la question de l'invisibilisation, la question du trucage. C'est des expressions, par exemple, de Guy Hockenheim dans son livre Razdep, qui paraît à la fin des années 70. Alors évidemment, en mai 68, la question du centre d'archives n'était pas posée telle quelle, mais par exemple, parmi les militants et les militantes du FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire qui apparaît en 1971, un certain nombre d'entre eux tenaient à s'inscrire dans une histoire, à rappeler, par exemple, l'histoire de la répression de l'homosexualité, par exemple l'histoire des mouvements qui les avaient précédés, et en même temps a aussi opéré des ruptures historiques en effaçant de l'histoire, par exemple, le mouvement homophile Arcadie, qui était renvoyé au passé comme un mouvement réactionnaire, comme un mouvement conservateur. Donc la question de l'histoire est toujours partie prenante des mouvements. Dans un tout autre domaine, je pense au livre de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, au moment où le mouvement culturel et politique de la négritude se constitue, Cheikh Anta Diop relie toute l'histoire de l'Égypte et de l'égyptologie et de la manière dont les égyptologues ont effacé la couleur des peaux des Égyptiens, et montre comment tout au long du XIXe siècle des égyptologues ont débattu entre eux. Alors après, le livre de Cheikh Anta Diop peut être discuté sur un certain nombre de points, mais c'est emblématique de la manière dont se constituer comme un mouvement politique, affirmer une identité politique, amène à affronter l'histoire, à se confronter à l'histoire, et surtout, c'est pas l'histoire au sens de soit d'un savoir académique ou même d'un goût culturel. Je vais lire un livre d'histoire ou je vais écouter une émission d'histoire parce que l'histoire m'intéresse. C'est vraiment l'histoire en tant qu'elle constitue des sujets, en tant qu'elle constitue des individus et des groupes minorisés, c'est-à-dire l'histoire partie prenante d'un processus de domination et de subjectivation des individus. Eh bien, justement, sur cette question, nous avons énormément de sources d'archives, sauf qu'il faut savoir les regarder, il faut savoir les lire. C'est toujours cette même question, hein. On peut trouver plein de choses un peu partout, mais il faut donner sens et donner cohérence. Sister Outside, Audrey Lorde. Je suis une lesbienne de couleur dont les enfants mangent régulièrement à leur faim, parce que je travaille à l'université. Si leur ventre plein me font oublier mes points communs avec une femme de couleur dont les enfants n'ont rien à manger parce qu'elle ne peut pas trouver de travail, ou qui n'a pas d'enfants parce que les avortements clandestins et la stérilisation ont bousillé ses organes génitaux, si j'oublie la lesbienne qui choisit de ne pas avoir d'enfants, la femme qui reste dans le placard parce que sa communauté homophobe est son seul point d'ancrage, la femme qui choisit le silence plutôt qu'une autre forme de mort, La femme qui est terrifiée que ma colère ne déclenche la sienne, si je manque de reconnaître toutes ces femmes comme d'autres facettes de moi-même, non seulement je participe à l'oppression de chacune d'entre elles, mais je participe aussi à la mienne. Je ne suis pas libre tant qu'une femme reste prisonnière, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. Et aussi longtemps qu'une personne de couleur restera enchaînée, je ne serai pas libre, ni aucune d'entre vous. Sister Outsider d'Audrey Lorde, lu par Rebecca Chaillon et Clémence Alzard. Dans LSD, la série documentaire sur France Culture, c'était en 2019, mais c'est à écouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Michel Laroui, en écho à ce que nous venons d'entendre hein, d'Audrey Lorde, il y a un côté aussi universel dans cette démarche. Il faut bien le souligner, c'est pas juste quelque chose de très identitaire et fermé. C'est une ouverture aussi à tous, à toutes. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour le texte d'Audrey Lorde. Je voulais vous dire que c'était une lesbienne qui l'avait avec, on va dire, un collectif, c'est Mama Mélis, et on va dire qui l'a traduite, puisqu'on est assez nul en langue anglaise pour une certaine génération. Ça a été traduit, c'est une chose que personne ne sait, mais le bouquin continue à circuler, comme le Cancer Journal et autres. Donc, merci pour cette archive, parce que je pense que, enfin, moi, je ne reprendrai pas le terme d'universel parce que il est de plus en plus remis en cause. Moi, si on en revient très précisément à qui archive, comment on archive, etc., c'est vrai que ça peut être très subjectif, c'est-à-dire qu'on peut être bien sûr lesbienne, mais on peut être aussi d'une classe dominante, on peut aussi avoir une posture, on va dire, très peu racisée, ou je pense qu'autour de ça, on doit aussi se remettre en cause et essayer de toujours échanger et travailler et essayer d'ouvrir autour de ces archives. Il est évident que des archives associatives, elles sont composées de celles qui archivent et celles qui composent le collectif. Nous, on a été vraiment un collectif très nombreux. Je remercie Carole Vidal qui continue à travailler en salariat, on va dire, et qui continue à travailler aux archives. Suzette Robichon qui continue à réseauter. Et puis quelques autres. Je remercie Claudie Lesselier aussi qui a été une de celles qui a porté et fait reconnaître ses archives à partir de 83-84. Donc, moi, je dirais que l'universalité n'existe pas vraiment, mais on doit vraiment accumuler assez d'archives pour les croiser aujourd'hui, à partir de d'où on parle, d'où on milite et d'où nos histoires de classe, mais aussi nos histoires antiracistes aujourd'hui, parce que à des moments donnés, même dans le milieu lesbien, même dans le milieu LGBTQ, il y a des comportements qui sont homonationalistes. On a différentes parutions depuis au moins 10-15 ans, plutôt états-uniennes traduites, qui sont vraiment très intéressantes autour de ça. Je nommerai Sarah Schulman, qui a vraiment, dans le dernier bouquin qu'elle a pu écrire, qu'on a pu traduire, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas dire la maison d'édition, mais il y a vraiment tout un travail d'effacement, d'invisibilisation de tous ceux et de toutes celles qui sont morts du sida, entre autres, et qui étaient de géniaux et de géniales créatrices et créateurs, qui n'étaient pas que homosexuels ou lesbiennes, mais qui ont fait un travail de création au niveau culturel. Il ne faut pas oublier que tout ce pan-là est mort en 10 ans, entre autres sur la communauté en France, par exemple. Oui, ce qui est quelque chose d'important, encore une fois, à souligner. Et justement, Sam Boursier, dans cette histoire de l'archive LGBT+, nous évoquions ce côté archive qui est essentiel. Et je pense que depuis le début de l'émission, nous avons bien compris toute cette démarche. Et vous, justement, avec cette réflexion sur ce côté autonome de l'archive, ce n'est pas une autonomie pour des archives fermées. Nous comprenons bien que c'est de l'archive au sens de collecte et de production. Mais c'est essentiel dans la démarche pour vous, pour rendre ces archives efficaces. Non, mais la notion de l'autonomie, oui, c'est très bien qu'on ait pu la cristalliser par rapport à la mairie de Paris, mais c'est valable pour tous les mouvements LGBT en ce moment. C'est-à-dire que, comme c'est ce que d'ailleurs évoquait, je pense aussi Michel, vous avez un mouvement de pinkwashing. Maintenant, les mouvements LGBT sont les marqueurs, et qui des États, qui des mairies, qui des conseils régionaux, etc. Et en même temps, des fois, c'est une perspective purement clientéliste. C'est-à-dire l'autonomie, là, ça voulait dire que, comme dans tous les centres d'archives d'ailleurs en Europe et ailleurs, l'État ou la mairie, par exemple, c'est pas elle qui va décider de la gouvernance et de notre philosophie de l'archive. Mais pour revenir sur la question de l'universalisme, quand on voit ce qu'a donné la conception universaliste, soi-disant démocratique, extensive de la Révolution française, je crois que c'est plutôt l'inverse qui se produit avec les mouvements justement et les centres d'archives LGBT. C'est-à-dire que eux, en fait, ils vont apporter une critique de ce faux universalisme. Parce qu'on sait très bien, finalement, que, par exemple, la vocation universaliste des archives nationales, démocratiques, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs de ça dont on parle depuis le début. C'est-à-dire qu'en gros, les minorités étaient exclues, finalement, des archives institutionnelles. Donc, je crois, justement, que ce qui se passe avec les philosophies de l'archive minoritaire, ou la philosophie de l'archivisme, c'est justement combler ce déficit démocratique. Et surtout, on en parle, je crois, depuis le début, c'est aller vers une archive juste. C'est toute la question de la justice. Et quand on voit les débats qu'il y a sur les archives coloniales, et Michel avait très justement raison de rappeler qu'il y a toute la question de la colonialité de l'archive, y compris dans les mouvements LGBT. Par exemple, voilà, on dit LGBT, on n'a jamais le R de personne racisée, si c'est cette lettre qu'il faut mettre, ou même le P de pute. Donc, nous, le collectif, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a un gros travail en coproduction avec les personnes concernées sur les archives putes. Donc, je crois vraiment, là, il faut vraiment bien voir ce qui se passe, ce qu'apportent les archives minoritaires, justement, à tout le monde. C'est-à-dire que les gens comprennent que l'archive leur appartient. Il ne faut pas se laisser déposséder de sa force archivale, du fait qu'on peut faire des archives. Vous savez, les archives, c'est un peu comme le sexe. Tout le monde en fait. Tout le monde en a chez soi. Tout le monde en a dans sa cave, dans son grenier. On voudrait qu'elles soient aux archives nationales, on voudrait qu'elles soient dans un centre, mais on ne pourra jamais vous empêcher d'archiver. Voilà, archiver, archivons, et puis surtout échanger, échangeons de façon à savoir où sont ces archives, avec une nuance que j'apporte, hein, en disant que malgré tout, aux archives nationales ou à la Bibliothèque nationale, il y a une prise de conscience, mais nous sentons que c'est lié à certaines démarches, parfois individuelles, de collecter des fonds d'archives, mais ils sont là. Justement, Antoine Idier, dans tout ce mouvement qui est à réfléchir autour de l'archive, nous sentons bien qu'il y a quelque chose de commun sur l'archive comme nécessaire pour le savoir, bien sûr, mais le savoir pour renforcer une identité, pour dénoncer toutes ces périodes où ces voix ont été réprimées. Il y a quelque chose de commun. Après, les démarches sont différentes. Moi, j'ai toujours tendance à insister sur le dissensus plutôt que sur le consensus. Donc, ce qui est aussi important. Peut-être juste pour revenir sur, vous disiez qu'effectivement un certain nombre d'archives d'institutions publiques ont pris conscience de la nécessité d'archiver, ce qui est indubitablement vrai. Mais si elles en ont pris conscience, c'est aussi parce que des mouvements militants, des mouvements minoritaires ont posé ces questions. Par ailleurs, moi, je suis aussi très distant de la notion d'universel versus identitaire, mais on y reviendra une autre fois. Ce qui m'intéresse aussi de montrer, c'est que moi, je pense qu'il faut se méfier d'une forme d'essentialisme de l'archive. Je pense pas qu'il y ait une archive bonne ou une archive mauvaise en soi. Je pense pas que c'est le lieu de conservation qui définit la valeur de l'archive. Qu'au fond, on peut avoir une archive passionnante dans un lieu affreux, universel, républicain, et une archive qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans un centre militant. Et en même temps, je pense qu'il faut avoir des centres militants d'archivage, comme il faut discuter et mettre en question les institutions. Mais précisément, quand je dis une archive n'a pas intérêt ou à un intérêt, elle ne l'a jamais qu'en soi. Elle a de l'intérêt par les questions qu'on lui pose, par les regards qu'on porte sur elle, par l'ensemble des interrogations auxquelles on va la soumettre, qui vont varier. C'est-à-dire qu'une archive n'aura jamais rendu tout ce qu'elle a en elle, parce que l'archive a rien ou tout en elle, mais elle ne peut avoir quelque chose en elle qu'à partir du moment où on la regarde, qu'à partir du moment où on la confronte, qu'à partir du moment où on la soumet à un ensemble de questionnements. Par exemple, cette question des à l'intérieur des mouvements, de toutes les dissensions et de toutes les oppositions entre homosexuels et lesbiennes, entre blancs et racisés, entre trans et reste du mouvement, etc., etc. C'était très bien cette émission. Je suis très content que de manière pacifiée nous ayons pu poser et échanger autour de questions vivement polémiques, hein, ces archives LGBT+, avec, et nous le sentons bien, des vraies réflexions et des réflexions essentielles qui dépassent simplement la communauté LGBT+. Merci beaucoup Antoine Idier. Je rappelle, archives des mouvements LGBT+, chez Textuel, ou encore Pureté, impureté de l'art, hein, Michel Journiac et le SIDA, qui vient de paraître il y a 2 ans tout juste. Merci beaucoup à vous, Michel Larouille. Merci aussi Archives Recherche Culture Lesbienne, et merci aussi Sam Boursier, le collectif Archives LGBTQI. Et il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien.